Entre nous, je suis de loin le meilleur rappeur dans les alentours. Je voudrais dire bonjour, bonjour. Tout le monde m'appelle par mon ancien nom. Mais bon, dis simplement Pharaon. Rien ne m'arrêtera, crois-moi. Après tout, c'est moi le roi. Revenu du trépas, tout droit sorti du sarcophage. Oui, je fais du rap et jamais je ne dérape. New York est ma ville où mes rêves se profilent. Alors, donne-moi un bout, ouais. Donne-moi la trouille, ouais. Ressens la peur au cœur de cette grande cité. Tout va si vite. C'est sa bouillard city, yeah. Y'a tant de choses et ici rien n'est trop petit. Alors debout et dansons toute la nuit. Mes rêves sans trêve me tournent la tête. Cette ville est la mienne car à bouillard c'est la fête. C'est l'endroit où il faut se faire voir. Soyons plus précis, New York est unique. C'est écrit dans les hiéroglyphes. Je veux dépasser mes objectifs, suivre une nouvelle direction. Choisir un nom enivré d'acclamation. Fonce, pharaon, fonce, pharaon, fonce. Pour toutes les fois où on nous a dit non. Plus jamais non, plus d'obligations. J'en ai plein la vue, je suis comme un tourbillon. Je t'en prie, qui es-tu? Je suis Cathy la star. Le passage à New York, mais tout rempli d'espoir. J'aime cette musique qui me poursuit jusque dans mon cœur. Et puis j'aime ton style. Et moi Tamine Féline, t'es pas une goule anodine, t'es divine. Et je veux retrouver mes racines, renforcer mes origines. C'est maintenant ou jamais.